4. Observation. Prononciation. Les semi-voyelles W et Y. Écoutez, répétez et comparez. J'ai dit oui. J'ai dit 8. C'est Louis. C'est lui. Remarquez que les mots oui, Louis, lui et 8 représentent une seule syllabe. Dans les mots Louis et oui, la langue est en arrière pour prononcer le son OU. Puis elle avance et vient appuyer contre les dents inférieures pour prononcer le son I. Dans les mots lui et huit, la langue est déjà en avant et appuyée contre les dents inférieures pour prononcer le son U. Elle reste dans cette position pour le son U.